À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, le site internet russe Patriotum Moskouva a présenté le test intégral de l'œuvre classique immortelle du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple. À cette occasion, il a donné la photo du président Kim Il-sung.